Je me suis levé par un matiné, quand l'aube prenait son blanc mantelé. Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore. J'ai pris ma capote et mon capulet, et mon courant manteau de droguet violet. Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore. Je m'en suis allé chercher Guillaume, qu'écoutes-tu la guêpe pastourelée? Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore. J'écoute chanter le rossignol, jamais n'entendis chant si aimable. Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore. Ce n'est le rossignol ni aux troiselets, mais du paradis un bel angelet. Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore. Dit qu'à Bethléem, dans un étable, il est né un Dieu, Dieu enfantelet. Chantons Noël, Noël, Noël, chantons Noël encore.